C'est que le par ici, on est toujours dégueulasse. On est là pour faire. On est là pour faire. C'est parti, on est là pour s'amuser. S'amuser. Toujours, toujours pas bien. La poule tape dans ses mains. En train d'applaudir sur cette musique. Quelle joyeuse mélodie. Bougez, bougez, allez-y, bougez. Ne pas rester en train de rêver. Dansez, dansez, restez, dansez. On est là pour s'éclater. Par tes oreilles, ça rentre dans ta cervelle et c'est bon, c'est enregistré. Tout le monde sort, y'a du soleil, tout le monde s'éclaire avec la lumière. Tout le monde est là, en train de faire bronzette, allez, c'est bon, sort les lunettes. Tout le monde sort, y'a du soleil, tout le monde s'éclaire avec la lumière. Tout le monde est là, en train de faire bronzette, allez, c'est bon, sort les lunettes. J'attends, aller à la plage, ouais. Pour faire du bronzage. De la couleur d'un crabe. Ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Oui, j'adore ça, je suis toujours là. Tel le Sahara, je suis toujours ici. Tel le petit huître. T'es trop un dingue, dingue, dingue. J'avais oublié de le dire. De dire, c'est un refrain, espèce de dingue. C'est parti. Dingue, dingue. Tout le monde sort, il y a du soleil. Tout le monde s'éclaire avec la lumière. Tout le monde est là, en train de faire ronzette. Allez, c'est bon. Les lunettes, tout le monde sort, il y a du soleil, tout le monde s'éclaire avec la lumière, tout le monde est là, en train de faire rosette, allez c'est bon.